son numéro 666. Écoutez et répétez. Je te chie sur la gueule. Je te chie sur la gueule. Je te chie sur le dos. Je te chie sur le dos. Et j'étale le tout avec ma grosse palette. Et j'étale le tout avec mon grosse palette.